Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de tennis avec, c'était le Challenge Bank National, les questions pour savoir un peu le bilan de tout ça. On parle avec notre spécialiste Caroline Delis. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, si on parlait d'abord du Challenge Bank National, pour la première fois depuis longtemps, c'est une Canadienne qui a remporté ça, c'est bon? Oui, effectivement. Écoutez, depuis 2010, qu'on n'avait pas eu de Canadienne en finale. Ouais. Du moins de victoire, parce qu'il y a eu Eugénie Bouchard aussi qui avait fait la finale contre Madison Keys il y a quelques années, mais qui avait malheureusement perdu. Mm. Mais oui, on était très heureux de la victoire de Catherine Sebov, une jeune Canadienne de 19 ans qui a quand même beaucoup de talent. Puis, faut dire qu'elle a très bien joué. Puis, je pense qu'elle méritait pleinement la victoire, parce que tout au cours de la semaine, elle a joué de l'excellent tennis. C'est sûr qu'en finale, on sentait qu'elle était peut-être un petit peu nerveuse. Ben, les deux l'étaient, en réalité. Mm. C'est tout à fait normal aussi. Écoutez, c'est sa première grosse victoire sur le circuit ITF. Donc, c'est tout en son honneur. Puis, ça, j'espère que ça va lui donner confiance pour le reste de l'année et les prochains tournois. Est-ce que c'est meilleur pour les assistances lorsque c'est une Canadienne, c'est pas une Québécoise, mais c'est une Canadienne, ça aide-tu pareil? Ben oui, c'est certain que ça aide, hein. Écoutez, quand on a des noms, c'est sûr, Québécoise, c'est encore mieux, mais Canadien, c'est très bien pour nous aussi, là. C'est sûr que ça attire des gens, et puis les gens prennent pour les Canadiennes, justement, donc c'est sûr, c'est favorable pour nous d'avoir des Canadiennes qui se rendent loin. D'ailleurs, notre programme de samedi, on avait deux Canadiennes. On avait Bianca Andreescu aussi, qui ouais. Était demi-finale, qui malheureusement s'est inclinée. Mais c'est sûr que la journée de samedi, on était pratiquement plein. Là, donc, c'est quand même très, très positif. Non, j'ai peut-être un petit peu moins de monde. Peut-être que il y en a qui ont choisi de venir justement samedi. C'est certain que samedi, c'est un beau programme avec les deux demi-finales de simple et la finale de double. Fait que les gens peuvent assister à trois beaux matchs de tennis. Okay. Donc, c'est peut-être pour cette raison qu'il y a eu un petit peu moins de monde dimanche, mais encore là, c'était quand même pas mal plein aussi. Là. OK. Donc, c'est du côté de. Donc, on se dirige vraiment vers quelque chose. Le fait que c'est Sebov, c'est un nom qui m'est pas inconnu. On commence vraiment à l'entendre tranquillement sur participer à des challenge banks, des challenges comparables aux vôtres. Là. Oui, c'est ça. Elle fait beaucoup de tournois ITF. C'est une jeune joueuse là qui a quand même eu des bons résultats dans le passé au niveau des circuits justement de Challenger. C'est ça, là, en gagnant ici, c'est sûr qu'elle se ramasse de précieux points au classement. Mm. Fait que ça, elle va sûrement monter au classement d'ailleurs dans les prochaines semaines. Là, elle joue à Toronto cette semaine. On a bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire. C'est une joueuse quand même prometteuse là, au niveau du tennis canadien. Puis on a quand même une très belle relève. On a beaucoup de bonnes joueuses qu'on a vues évoluer cette semaine. Disons que je pense que l'avenir est très, très, très rose pour le tennis canadien dans l'ensemble au niveau des hommes et des femmes. OK, OK. Là, du côté, ça a-tu bien été également? C'était le 40e anniversaire de votre... ça a-tu bien été de ce côté-là aussi? Écoutez, notre 40e, il va être plus souligné lors de la classique 5e. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, c'est passé, ça. Annuel, c'est ça, régional, là, donc ça, c'est plus au mois d'avril. Mais on a quand même organisé des 5 à 7, la semaine dernière, là, vendredi dernier, c'était un 5 à 7 pour les membres du club. Les chefs de ligue venaient accompagnés d'une autre personne de leur ligue. Il y a eu une cinquantaine de personnes là, qui se sont déplacées. Fait que ça, on faisait ça un petit peu, justement, là, dans le cadre de notre 40e. Puis ça a été très apprécié par tout le monde. Là. OK. Caroline, ça fait pas mal le tour. On se reparle un autre tantôt pour dès que l'actualité du tennis va l'exiger. Parfait, merci. Notre spécialiste Caroline Delis.